Chapitre 14. Monsieur Pépin, quoique éreinté, ne parvenait pas à apaiser son agitation fébrile. Il sentit le besoin de fuir ses pensées, ou tout au moins de les confier à un consolateur. Il avait passé l'âge où l'on déverse dans le sein d'un prêtre le trop-plein d'un cœur blessé. Mais il songea qu'il avait deux amis, que ceux-ci, gens sérieux, étaient de bons conseils, et il se résolut à leur faire l'aveu de ses anxiétés. Il se rendit d'abord chez le docteur. « Que se passe-t-il ? » interrogea celui-ci, un peu alarmé de sa mine bouleversée. « Est-ce qu'on ne dîne plus chez toi ce soir ?»« Si, non, si, » répondit Pépin, qui, dans son désarroi, avait oublié ce détail. « Tu es malade ? Qu'est-ce que c'est que cette figure ? Tu as l'air d'un homme qui vient de faire un mauvais coup. C'est effrayant comme tu vois juste. Le diagnostic. Je suis un misérable, tout bonnement. Cette pauvre Madame Pomme, si tu savais. Ah mon Dieu, tu l'as tuée. Non, hélas, mais c'est bien pire. Ce matin, j'entre dans sa chambre, et Dieu pourrait attester la pureté de mes intentions. Malheureusement. Va donc, un médecin est un confesseur. Malheureusement, comment t'expliquer avec décence? Sois un naissant si c'est nécessaire. Eh bien, elle dormait. Sans défiance, un ange. Sa couverture s'était dérangée de sorte que... De sorte que tu as vu? Oh oui. Et ce que tu as vu était engageant? Ah, mon ami, à quel point? Il est certain. Et le docteur émoustillé rapprochait sa chaise. Qu'il suffit d'un petit coin de chair pour nous induire en tentation, nous autres mâles. Si ce n'avait été qu'un petit coin. Ah ah. Il y avait mieux qu'un petit coin. Il y avait tout en deux fois. Fichtre, je comprends. Alors, j'ai fondu sur elle, lâchement, comme une bête fauve sur sa proie. Et tu devines le reste. Me voilà déshonoré. J'ai manqué de parole à Achille. Ça, à la rigueur. Mais j'ai trompé indignement une épouse chaste, une femme sans tache, une compagne impeccable, à qui j'avais juré la même fidélité. Qui ça? Élisabeth, voyons. Ah oui. Mais dis-moi, comment a-t-elle pris cela? Élisabeth? Non, Sylvie. Pauvre petite. Figure-toi une brebis sous le couteau du boucher. Elle a crié. Un peu, vers la fin, mais si doucement, presque un râle. Elle te repoussait? Non, elle me serrait contre elle. Je m'en souviens très bien. Les gens qu'on assassine doivent avoir de ces mouvements désordonnés, illogiques. Désordonnés, je veux bien, mais illogiques. Enfin, après, qu'a-t-elle dit? Ah, mon vieux, est-ce que je sais? Épouvanté de mon forfait, je me suis enfui. Et tu ne l'as pas revue? Pas encore. Je n'ose reparaître devant elle. Elle doit m'en vouloir à mort. Élisabeth aussi. Je les perds toutes les deux. Quel malheur! Et l'infortuné Pépin fondit en larmes. « Voyons, calme-toi, rien n'est désespéré, tout s'arrange, que comptes-tu faire ?»« Je suis venu te le demander, faut-il que je m'éloigne, que je mure à jamais cet appartement maudit ?»« Encore ? Ah non, par exemple, tu ne vas pas recommencer. »« Je m'entends. »« Puisque tu me consultes, voici ce que je te conseille. »« Tu vas rentrer chez toi, tu garderas une contenance naturelle comme s'il ne s'était rien passé et tu attendras les événements. » Il y a gros à parier que ta femme, devenue ta complice, même involontaire, ne fera aucune allusion à la scène de ce matin, car elle est pleine de tact. Reste dans ta chambre jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Au cas où il se produirait un choc, ce qui est peu probable, nous l'amortirons, l'empereur et moi. Au besoin, nous parlerons à Sylvie. Que diable, une femme qui produit une telle impression a sa part de responsabilité. Mon vieux, tu me sauves. Je compte sur vous. « Entendu, je vais prévenir le capitaine. À tout à l'heure. » À peine fut-il sorti, Milvaud ne fit qu'un bond de son logis à celui de son camarade. Rien qu'à la vigueur du coup de sonnette, celui-ci s'était douté qu'un fait grave avait surgi. Milvaud entra, radieux, et s'amusa d'abord à le faire languir. « Comme disent les bonnes gens, devine, lui dit-il, il y a du nouveau là-bas. » Inutile de préciser, l'affaire Pépin étant la seule qui les intéressa. « Oui, plutôt. » Ils sont brouillés, pas précisément. Voyons, tu fais ton nez des bonjours, c'est que la nouvelle est heureuse. Pour nous, bien entendu. Car pour eux, ça nous est égal. Comment la sais-tu? Je viens de voir Pépin. Il t'a offert sa petite femme et tu m'en apportes la moitié, c'est gentil. Tu brûles. C'est ça sans être ça. Je suis suspendu, vas-y. Eh bien, mon vieux, Pépin le sage, le gâton, le sénèque, l'inconsolable, l'incorruptible, il a volé. Il ne l'a pas volée, il a violé Sylvie, ce matin, à 6 heures de relevé et dans les grands prix. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit merci, du geste, sinon de la voix. Et Elisabeth et Achille? On aura négligé de leur en faire part, à ce que je suppose. Et il t'a raconté ça, mais il est dégoûtant. Je ne vois guère que Madame Soliman pour qualifier exactement sa conduite. Permets-moi de la résumer en une phrase lapidaire. La divine blonde a fait son premier mari cocu avec son second. Elle fera cocu son second avec deux jolis garçons que nous aimons bien. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Tu as mis le doigt dessus. Alors, nous marchons? Oui, mais avec prudence. Ce n'est plus elle qui nous gêne, mais ce vieux daim. Il n'est pas plus vieux que nous, tu sais. Comme homme, non, mais comme daim, si. Il est en proie à un remords antique et les furies sont à ses trousses, agitant leurs torches. Il m'a rappelé vaguement le nommé Œdipe. Il ne faut pas être trop bon mari ou trop bon fils. Mon digne capitaine, ça tourne toujours mal. Tu crois qu'il est capable de faire des bêtises? Tout seul, j'entends, car avec elle, si ça le met dans un état pareil, est-ce qu'il va encore se tuer? Non, mais s'il avait l'idée de lâcher sa femme. Zut alors! Dans nos bras, sa femme, nous voulons bien. Mais sur nos bras, il y a une nuance. Il faut le retenir, fût-ce de force. C'est pour cela que je suis venu te chercher. Habille-toi vite et filons. D'ailleurs, les émotions des autres, ça me creuse.